Bare find that. Mă gata. Că eu pasei. La mi mă prepada mi. Sonny fan, elle lui réunit pour tout envie. Retourner la première page pour vivre les bons moments. Qu'on s'annonce que voit du vent. Belle parole, toujours dans le fond des yeux. C'est ça, moi, passé. Pardon me, dame, dame, dame, dame, dame, dame.